Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Salut à tous et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Et aujourd'hui, je vous emmène à Civray de Touraine, dans un lieu que vous devez absolument découvrir si vous ne le connaissez pas encore, la Loca Luna. Un endroit unique qui mêle cave à manger, cave à vin, hébergement en chambre d'hôte. On y retrouve aussi des expos d'art et puis tout un panel de concerts qui met en lumière la scène locale. Parce que c'est ça aussi l'esprit du lieu, c'est ce qui fait la singularité de la Loca Luna. C'est que ce n'est pas juste un restaurant, un bar à vin où on trouve aussi des bières artisanales, mais c'est avant tout un espace de partage et de rencontre où des musiciens, des peintres, des créateurs sont invités à s'exprimer. Aujourd'hui, on est accueilli par Lucille, la gérante, la patronne des lieux, passionnée. C'est elle qui a imaginé tout ça avec son énergie et son sens du collectif. Bonjour Lucille et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors Lucille, moi je l'adore ce lieu. On sent tout de suite l'atmosphère très chaleureuse et familiale qui y règne. Raconte-nous comment s'est née cette idée de la Loca Luna. Alors, la Loca Luna, elle est née suite à une reconversion professionnelle. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui avait des chambres d'hôtes et ça m'a toujours plu. Mon mari a une marque de boissons locale et on a eu envie de mixer nos deux projets pour arriver à la Loca Luna aujourd'hui qui, comme tu l'as expliqué, c'est un projet qui mêle de l'hébergement, de l'accueil, de la culture. Voilà, et on s'est spécialisé sur les produits locaux et aussi et surtout sur les vins naturels et biologiques. Alors effectivement, tu l'évoques, ton mari Cyril, que j'ai croisé là juste en arrivant, donc qui gère la marque la Loer et qui est présente ici à la boutique. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux? Ben oui, avec des valeurs communes et des envies communes, donc ça a permis de pouvoir monter ce chouette projet. Donc ce lieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu où on a l'impression d'être un petit peu comme à la maison. C'est un lieu que vous avez voulu cocooner. Enfin, c'est vrai qu'il y a tout est là dans la déco, dans l'esprit du lieu. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes comme produit et puis surtout sur quels critères tu les choisis? Parce qu'on trouve pas n'importe quoi à la Loca Luna. Alors, ça a un petit peu évolué, mais effectivement, sur les boissons qu'on peut trouver en boutique à emporter ou à consommer sur place, on est sur des bières artisanales, principalement de la brasserie de la Pigeonnelle, puisque Cyril travaille avec eux. On a aussi d'autres bières artisanales que Cyril récupère chez ses clients brasseurs. Donc, on peut avoir des bières d'Anjou qui sont chez nous, qu'on ne trouve pas ailleurs. On a évidemment les sodas de la Loire, le cola, la limonade, le ginger beer et le thé glacé. On va trouver 80% de vins naturels de la Loire ou vins bio et puis quelques références aussi en vins naturels du sud puisqu'on a des amis vignerons qui sont dans le sud et quand ils passent ils en profitent pour nous livrer. C'est quoi le public que tu vises ici dans ce super lieu qu'est la Loca Luna? Des locaux, des touristes, tout? Alors, à la base, on était parti sur les chambres d'hôtes, évidemment, c'est un public de touristes, de gens de passage. Le projet, à la base, était de proposer des produits locaux à la vente à ces personnes-là, pouvoir leur proposer à manger aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir toute l'année et aux locaux. Donc, en fait, le public qui vient, c'est principalement des locaux. C'est grâce à eux qu'on vit toute l'année. Et puis, avec la proximité du château de Chenonceau, de Beauval, d'Amboise, de Loges, de Tours, on a quand même pas mal de touristes qui passent par chez nous, soit pour manger, boire un verre, soit pour dormir aussi dans les chambres d'hôtes. Si on vient boire un coup à la Loca Luna, qu'est-ce que tu nous conseilles et qu'est-ce que tu nous mettrais sur une planchette apéro? Alors, il y a plusieurs formules. On a des planches dînatoires avec de la charcuterie, du fromage, des gaufres salées maison qui sont ma spécialité. On a évolué un petit peu. On propose des petites planchettes un peu moins chères. Alors là, on n'est plus dans les produits locaux, mais on répond à la demande. On a des petits tapas, des onion rings, des bouchons au poulet, des planches de fromage. On a aussi toute une gamme de plats chauds en bocal stérilisé. C'est une entreprise artisanale d'Anjou qui propose ça. Donc ça va des lasagnes, saumon épinard, au lapin, au pruneau, en passant par des coquillettes bolognaises pour les enfants, des gnocchis végétariens. Voilà, on a une belle gamme de plats chauds aussi à manger sur place. Tu peux nous décrire l'endroit? Donc on arrive sur une cour et après comment ça se passe? Alors, quand on arrive chez nous, on arrive dans la cour de notre maison. Donc, on est tranquille. On ne subit pas les bruits de la circulation des voitures. Donc, on a une grande terrasse extérieure où se passent des concerts l'été, aménagée avec des tables et un espace canapé, fauteuil, tout pour se détendre. Hamac aussi. On a des jeux d'extérieur pour les beaux jours. Et puis, ensuite, on a deux salles à l'intérieur. Une salle où on propose des tables. Il y a le jeux de fléchettes, il y a un piano à disposition, des guitares aussi. La deuxième salle, on a reproduit aussi un petit coin salon avec des meubles de récupération assez vintage. On a des dizaines de jeux de société à disposition également. Voilà, quoi dire, des expos d'artistes qui changent régulièrement. Voilà, il faut venir découvrir en fait. Ça, c'est vrai que c'est la valeur ajoutée ici, c'est ce côté justement en lien avec les artistes. Quand on vient, il y a toujours une expo, il y a toujours des petits bijoux de créateurs, il y a toujours des petites choses locales qui sont proposées. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur aussi particulièrement. Oui, alors les expos sur les murs d'artistes, oui, ça c'était vraiment un choix. Et puis les petits créateurs bijoux, ça s'est fait avec les rencontres quotidiennes après l'ouverture des voisins qui sont créateurs, qui sont venus me demander s'ils pouvaient déposer quelques petits trèfles de leur création. Et ben maintenant, ça fait 5 ans qu'on a des bijoux à la vente, des petits bijoux artisanaux. Il y a aussi toute une programmation musicale avec des dates qui sont calées. C'est quoi la prog à venir, par exemple? Eh bien, la prochaine date, c'est le Karaobœuf. Donc, Karaobœuf, si on ne connaît pas, c'est un karaoké collectif en live. Donc, il y a un musicien qui propose des listes de chansons. Tout le monde choisit et tout le monde chante ensemble pendant que le musicien joue. Donc, ça, c'est le 7 mars. Ensuite, le 21 mars, nous avons Ted Fernet. Ted Fernet, il est tout seul. Il se définit comme l'homme orchestre de la funk et du reggae. C'est la deuxième fois qu'il vient, donc cette fois-ci, ce sera un peu plus reggae. Le jeudi 16 avril, ça, c'est une date exceptionnelle. Généralement, nos concerts se déroulent le samedi. Là, c'est un duo breton qui s'appelle Blonde ou Rousse. Donc, nous jouerons des ballades et danses irlandaises et bretonnes. Le 25 avril, on reçoit à nouveau Luman Bey, qui propose un répertoire de world music et de reggae, encore une fois. Le 22 mai, nous avons La Brune. Donc elle sera à la fois en pression et à la fois elle jouera. C'est ça, exactement. pour le 20 juin, cette année, on a une programmation de 2 groupes. Donc on aura les Old Guys, qui sont déjà venus, et le Gratz Club. Donc c'est un groupe de guitare. On connaît. Voilà. Le 4 juillet, nous avons Ted Fernet qui revient. Il aime beaucoup notre lieu, donc il a proposé de venir 2 fois. Et le 1er août, nous avons un groupe de Montélimar, je crois, qui s'appelle Du vent dans les bronches. C'est de la chanson française. Et le reste de la prog est encore à définir. On n'a pas encore calé les dates pour les autres artistes. Et il y en aura peut-être entre eux qui vont se recaler. Cette prog-là, tu la concoctes avec Cyril, vous écoutez des trucs, vous dites « Ah, c'est sympa !» Ou alors c'est des artistes qui vous envoient un petit son, qui vous disent « Tiens, on aimerait bien passer à la Localuna ?» Oui, pour le moment, je n'ai pas encore contacté d'artistes. C'est les artistes qui nous contactent. On n'a pas de gros moyens, la Localuna, donc quand les artistes nous contactent et que ça nous plaît, on regarde avec eux si on peut se caler au milieu d'une tournée ou pour que ça me coûte moins cher, mais qu'eux, ils ne soient pas lésés non plus. Donc voilà, ça se fait au fur et à mesure des rencontres aussi, mais principalement des demandes par mail. Voilà. Donc, à bon entendeur, aux artistes locaux qui écouteraient cette émission, vous pouvez éventuellement tenter votre chance à condition que vous fassiez de la qualité, évidemment, pour que ça aille avec le lieu, bien sûr. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos, Lucille? Est-ce qu'il y a un Facebook, un site internet? Comment on fait? Oui, alors pour les grosses informations, il y a le site internet, mais il n'est pas mis à jour pour les événements. Les événements, on va les retrouver sur le Facebook, sur l'Instagram. On a également l'Office du tourisme autour de Chenonceau qui communique mes dates tous les mois ou à chaque fois qu'ils font une newsletter. Voilà, j'ai aussi, pour les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, un groupe WhatsApp. Donc, il suffit juste de me donner le numéro de téléphone et je rajoute ces personnes au groupe WhatsApp pour avoir les informations au fur et à mesure. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Lucille. Merci. Donc la Localuna, c'est à Civray de Touraine, rue des Hauts de Vaux. On y trouve une cave à manger conviviale, une cave à vin, une belle sélection de vins naturels et de bières artisanales. Et puis, vous l'aurez compris, des concerts régulièrement les soirs d'été ou les week-ends. Et ce, pendant toute l'année, on le précise bien. On peut aussi y séjourner dans les chambres d'hôtes, dans l'ancienne longère rénovée avec amour, qui est juste à côté. Voilà un chouette moment passé à la Localuna, un super lieu chaleureux porté par la passion de Lucille, de Cyril et de toute leur communauté d'artistes locaux, puisque ça fait un petit peu un tout. Donc n'hésitez pas, venez pour un verre, un repas, venez découvrir une expo, un concert ou juste pour découvrir cette belle adresse pleine de sens, où on se sent très vite chez soi. Merci pour ton accueil, Lucille. Et je te propose qu'on se quitte en musique avec un titre de ton choix. Je vais choisir Tribal, le nouveau morceau de Luman B, qu'on va accueillir le 25 avril. Super choix. On cautionne, on valide. Merci beaucoup, Lucille. Merci, Marlène. On top of the hill, by myself. Can you hear me down there on the fields of hell? The thunder you hear are the tears of my soul who's trying to be a better man. I'm just like that kid who loves to play in the garden, dirty enough to make my day. Now ready to kill for your way. Trouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.